Bonjour à tous. Ces journées des opérateurs ont pour tradition de commencer par les actualités juridiques et nous n'allons pas faillir à la règle. Je commence par peut-être une petite lueur d'espoir avec ce titre, le titre de cette première diapositive, un droit stabilisé. Peut-être que par rapport aux années précédentes, vous trouverez que les actualités sont moins lourdes, ou peut-être les avez-vous trouvées en lisant les messages que vous recevez sur le réseau Archives de France. Nous avons passé la longue histoire RGPD, la longue histoire réutilisation, etc., la loi numérique. Donc j'aborderai plutôt quelques plus petits sujets, mais tout aussi importants. Néanmoins, comme vous le voyez, j'ai mis un point d'interrogation que j'ai rajouté au dernier moment sur mon diaporama pour vous maintenir un petit peu en attention. Le droit, évidemment, n'est jamais stabilisé, et d'autant moins que la plupart des textes qui maintenant ont un impact sur nos métiers sont issus du droit européen et donc révisés. Et donc, quand je parlais de réutilisation en disant que ça n'avait pas changé, c'est faux, puisque a été discutée au cours de cette année une nouvelle directive sur la réutilisation qui a très peu d'impact sur nos textes. Mais néanmoins, il faut toujours rester à l'affût de ces évolutions juridiques. Voilà, c'est un petit peu ce message d'introduction qui vous explique pourquoi il y a des années avec et des années sans. Et il risque d'y avoir des années encore avec à venir, heureusement ou malheureusement. Je vais parler donc aujourd'hui de quatre sujets. Le premier, donc, c'est déjà un peu ancien puisque c'est un texte qui date de la fin de l'année 2018. Le décret qui a mis à jour les règles de diffusion en ligne des données des instruments de recherche. Mais jamais mauvais de refaire un point là-dessus. Un deuxième point, parce que je suis sûr que vous voulez encore qu'on parle du RGPD ici, donc j'ai quand même trouvé des éléments à vous dire sur le RGPD. Un troisième sujet qui concerne le cloud, qui est également récurrent au menu des actualités juridiques des journées des opérateurs. Là aussi, c'est un peu ancien, mais il y a quelques petites mises à jour que je voulais vous faire passer. Et enfin, comme Françoise Banat-Berger venait de vous le dire, après une plongée dans les textes, un peu de simplification, ça ne fait pas de mal. Et donc, je voulais également vous présenter Adoc, qui vous a été présenté en mode rêvons d'une application qui nous donnerait toutes nos réponses sur l'accès aux données et aux documents en général, aux documents d'archives en général l'an dernier. Cette fois, vous allez le voir, mais vous la connaissez déjà en vrai. Alors, ce qui a rythmé l'année depuis la dernière journée des opérateurs, c'est un décret très attendu puisqu'il est d'application de la loi numérique de 2016. Il est paru le 10 décembre 2018 et il est désormais donc intégré au CRPA, Code des relations entre le public et l'administration, dont il forme l'article D312-1-3. C'est un décret qui, enfin, nous sécurise sur la mise en ligne des données comportant des données à caractère personnel. La loi numérique ne le permettait que dans trois cas. Si l'on anonymisait, ce qui revenait à supprimer la caractéristique donnée à caractère personnel, soit en demandant le consentement des personnes, ce qui avec nos masses de données est quand même très difficile, soit si un texte le permettait. Et le texte, en fait, n'est paru que un peu plus de deux ans après la loi numérique. Ce texte, il se résume dans son chapeau. Les documents administratifs qui sont communicables ou accessibles à toute personne peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet d'une anonymisation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes. Et vous avez un certain nombre de catégories, je ne vais pas toutes les reprendre, parce qu'évidemment c'est un décret qui n'avait pas pour but que de parler au service public d'archives, mais à l'ensemble de l'administration, et qui est construit un petit peu sur le même refrain, les documents nécessaires à l'information du public dans un domaine. Donc c'est vraiment un texte qui a une portée très large, puisque on ne donne pas des listes, des typologies. Les typologies ne sont données que comme exemple à la suite de chacun des, à la fin de chacun des alinéas. L'élément à retenir, c'est la grande catégorie. Et dès lors que on entre dans cette catégorie et que la diffusion de l'information est nécessaire à l'information du public, on peut mettre en ligne sans anonymiser. Donc vous en avez les plus connus depuis décembre dernier, je les ai mises sur cette première diapo. C'est notamment ce décret qui permet la mise en ligne des organigrammes. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans la catégorie numéro 1 qui est les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration. Et vous voyez après, il y a un notamment donc, qui montre bien que ce texte ne donne pas une liste fermée et on cite là notamment les organigrammes, les annuaires des administrations, etc. etc. Deuxièmement, donc pour vous montrer aussi hein, que le champ est vaste et qu'ensuite on verra comment il sera appliqué. Comment interpréter les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, ce qui a permis à l'INSEE notamment de mettre en ligne le répertoire des entreprises. Et enfin, dernier exemple, avant d'arriver au volet strictement archives, les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la réglementation. Donc, j'ai cru bon de citer ces exemples pour le conseil que vous pourriez donner aux administrations dont vous relevez et qui peuvent se poser la question et éventuellement se tourner vers vous pour savoir s'ils entrent dans une de ces catégories. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cet article qui cadre désormais la diffusion des données. Et dans ce texte, les archives se sont taillées une place, tout à la fin, mais on a gardé évidemment le meilleur pour la fin, pour mettre un petit peu, revoir en fait un peu les conditions qui régissaient la mise en ligne à la fois des archives numériques et numérisées et des instruments de recherche. Jusqu'à présent, comme vous le savez, c'est une autorisation unique de la CNIL de 2012 qui encadrait ce droit. C'était un texte qui pouvait être assez peu clair, je pense notamment à ce qui concerne les instruments de recherche qui n'étaient pas cités nommément. On parlait d'indexation, donc est-ce qu'un instrument de recherche est une indexation ? On pouvait vraiment s'interroger sur la pertinence des termes. Et qui, d'autre part, nous avait paru, et des remontées que l'on avait, on parlait des publics tout à l'heure, de la part d'un grand nombre de nos usagers, trop restrictifs, ne permettaient pas de mettre en ligne un grand nombre de documents. Dès lors, depuis 2018, les choses sont à la fois plus claires et un peu plus libérales pour la mise en ligne des documents d'archives, et a fortiori des instruments de recherche. Puisque c'est un peu comme dans le code du patrimoine, on a un principe de base dès lors que les documents sont librement communicables, ils peuvent être mis en ligne à l'expiration du délai de communicabilité. Et ensuite, on introduit un sauf. C'est comme le code du patrimoine, comme les délais de communicabilité, tout est communicable sauf. Là, tout peut être mis en ligne sauf. Et le sauf inclut deux articles de la loi informatique et liberté qui définissent ce que sont les données, ce qu'on appelle les données sensibles. Ce sont les anciens articles 8 et 9, aujourd'hui 6 et 46 de la loi informatique et liberté, qui couvrent d'une part les opinions politiques, les convictions religieuses, les opinions les philosophiques, le secret médical, etc. Et pour l'autre article, les informations qui sont relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté. Donc, dès lors qu'on entre dans ce champ-là, c'est un délai de 100 ans qui s'applique. C'est le petit B du 9 bulles, comme on dit poétiquement en légistique, et qui donc, rabaisse un délai qui était jusqu'à présent de 150 ans à 100 ans, mais qui néanmoins permet de sécuriser la mise en ligne des données sensibles. Donc, tout peut être mis en ligne, sauf si vous entrez dans une de ces deux catégories. C'est ce qui a permis notamment à un certain nombre de services publics d'archives, j'ai pris deux exemples en archives départementales, de mettre en ligne le jour même d'apparition du décret un certain nombre de données qu'ils avaient déjà numérisées, de documents qu'ils avaient déjà numérisés et qui restaient consultables simplement en interne. Donc par exemple, des recensements de la population jusqu'en 1936, l'enregistrement, beaucoup d'AD ont mis en ligne l'enregistrement jusqu'à 67-68. Et ce mouvement se poursuit. J'ai également dit que ce décret concernait les instruments de recherche. C'est également une grande avancée puisque maintenant les choses sont beaucoup plus claires. Et là aussi, on a obtenu un certain nombre de dispositions très très libérales en faveur de la mise en ligne des instruments de recherche, puisque c'est le même principe. Dès lors que l'instrument de recherche est librement communicable, c'est bon, vous pouvez le mettre en ligne. Ce qui, entre parenthèses, nous conduit à nous poser la question de la communicabilité des instruments de recherche, qui n'est pas toujours une notion qu'on a en tête. Parfois, on peut trouver dans les salles de lecture des instruments de recherche qui, quand on les lit, ne sont pas librement communicables et qui conduit un petit peu à s'interroger aussi sur la manière dont on les rédige. Le SOF, lui, pour les instruments de recherche, ne porte que sur l'ancien article 9 de la loi informatique et liberté, autrement dit, sur les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté. Ce qui veut dire qu'on peut mettre en ligne des instruments de recherche qui comportent des données sensibles relatives donc à l'autre article, opinion politique, convictions religieuses, etc., dès lors qu'ils sont librement communicables. Alors c'est le champ des possibles, c'est pas forcément le champ des souhaitables, là aussi, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, et la question n'est plus une question de droit, et aujourd'hui une question plutôt déontologique. Est-ce que je mets en ligne un instrument de recherche qui concerne la collaboration, de la même manière que je mets en ligne un instrument de recherche qui concerne la résistance? Je ne donne pas de réponse à cette question, mais la réponse, elle est à trouver désormais collectivement et elle relève de la déontologie de l'archiviste et de la discussion qu'on doit avoir et qui explique aussi ces journées. Dernier point que important aussi de ce décret, il permet des mises en ligne anticipées en maintenant une autorisation de la CNIL pour la mise en ligne d'informations qu'on voudrait avant les délais prévus, donc le délai de 100 ans prévu pour tous les cas que je viens de citer. Donc on peut, là aussi, en accompagnant vraiment les demandes de conditions et garanties appropriées, on peut aussi mettre en ligne avant l'expiration du délai. C'est par exemple ce que font actuellement les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales pour la mise en ligne des fichiers, des camps de Rivesaltes, Saint-Cyprien, etc., qui cochent les catégories que je viens de citer, à la fois pour les instruments de recherche et pour les données numériques. Et donc, c'est aussi un exemple d'inventaire que l'on peut désormais mettre en ligne sans anonymiser. On est là sur France Archives avec la liste des pseudonymes des principaux agents du réseau Alliance en Corrèze. Jusqu'à présent, on cochait la case données sensibles, mais dès lors que ça révèle des informations sur les convictions politiques, en l'occurrence ici, et qu'il s'agit d'un instrument de recherche, désormais, on pourrait mettre cet instrument de recherche nominatif en ligne. Très vite, parce que je pense que ça vous concerne moins, j'insiste sur le fait que ce décret est pris pour la mise en ligne de documents administratifs, que sont nos instruments de recherche et que sont un certain nombre de nos documents d'archives, mais pas tous. L'état civil, par exemple, n'entre pas dans ce cas, et les documents judiciaires non plus. Pour cela, en fait, on est dans le droit commun, et ce que l'on vous propose, c'est d'en rester à ce qui était prévu jusqu'à présent par la U29 en matière de mise en ligne d'état civil, donc des délais qui vont de 100 ans pour les actes de naissance à 25 ans pour les actes de décès, et pour les documents judiciaires, en fait, d'adopter par assimilation avec ce qui se ferait pour le même type d'information dans un document administratif, un délai en fait de 100 ans, puisque on est souvent dans le cadre hein, de mesures de condamnation mesures de sûreté, condamnation, infraction, en fait seraient prévues dès lors que le document sera administratif, serait couvert pardon, par un délai de 100 ans pour la diffusion en ligne. Voilà un petit peu l'état de ce droit. Si tout cela a été trop vite, je vous invite à vous rendre, mais je vais le dire à plusieurs reprises, sur le carnet de recherche des archives de France qui s'appelle « Droit des archives ». Et si ça a été trop long, je vous prie de m'en excuser. Deuxième point au menu du jour, les suites du RGPD. Simplement un point d'attention pour mettre à jour vos références dès lors que vous citez la loi informatique et liberté. Pour donc vous citer cette ordonnance du 12 décembre 2018 qui a restructuré et toiletté la loi informatique et liberté officiellement pour la rendre plus lisible, mais je vous invite à la faire lire à vos proches, et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2019 en même temps que le décret d'application de cette loi. Donc la seule conséquence, hein, ça n'a aucune incidence en droit, si ce n'est que quand vous faites référence à la loi informatique et liberté, pour éviter des difficultés avec vos interlocuteurs, il faut évidemment mettre à jour vos références. Là aussi, un petit peu de pub pour notre carnet de recherche, les principaux articles que l'on citait jusqu'à présent, notamment les articles 8 et 9, qui définissent les données sensibles qui sont devenues les articles 6 et 46. Toute cette concordance, vous la trouvez sur le carnet de recherche sur un billet qui concerne cette mise à jour de la loi informatique et liberté. Un autre point d'attention que je voulais faire, qui n'est pas du tout nouveau, mais qui peut entrer en résonance avec vos missions, c'est des remontées qui nous ont été faites sur des blocages que pouvaient mettre un certain nombre d'administrations qui pouvaient en fait brandir le RGPD comme un obstacle à la communication des archives. Je ne sais pas si vous avez été confronté à cela, mais en cas de demande d'accès ou de demande d'accès par dérogation, on a eu un certain nombre d'administrations qui ont dit non, je ne peux pas, je ne suis pas sûr juridiquement parce qu'il existe le RGPD et que la communication des archives est un traitement. Je voulais simplement donc citer les deux articles à la fois dans le RGPD et dans la loi informatique et liberté qui indiquent que l'application du RGPD et enfin, du droit informatique et liberté en général ne faisait pas obstacle au droit d'accès du public. Vous le voyez à l'écran, donc c'est le jargon RGPD, donc il faut le décoder, mais j'ai mis en gras ce qu'il faut retenir. Hein. Les données à caractère personnel peuvent être communiquées lorsqu'il s'agit de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit de la protection des données à caractère personnel. C'est l'article 86 du RGPD, c'est un peu plus clair dans la loi informatique et liberté, c'est l'article 7 dans la nouvelle mouture. Où on dit bien que ne peut être regardé comme une personne non autorisée au sens du 6 de l'article 4 de la loi informatique et liberté, le titulaire d'un droit d'accès conformément aux autres dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux données, aux documents administratifs et aux archives publiques. Donc on parle bien là du droit CADA, hein, du CRPA et du Code du patrimoine. Donc si un jour on vous dit non, je ne peux pas donner accès aux données qui sont librement communicables ou alors je refuse une dérogation sur le seul fondement du RGPD, vous pouvez renvoyer à cet article qui fait la passerelle entre les deux droits. Enfin, et j'arrive, vous voyez, progressivement aux outils qui nous permettent de nous y repérer dans ce maquis, est en ligne depuis un certain nombre de mois des Guidance on Data Protection for Archive Services qui sont sur le site de la Commission européenne, alors qui sont pour l'instant en anglais, auxquels les archives de France ont été largement associées pour qu'y figurent bien toutes les dérogations obtenues par les archives au titre du RGPD. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que ce guide assez copieux a été traduit en français, est en cours de relecture et bientôt sera mis en ligne avec appel à commentaires sur France Archives. Vous pourrez donc là aussi, pour à la fois mieux assimiler le RGPD du côté archiviste et le faire comprendre vis-à-vis de vos interlocuteurs, renvoyer vers ce vademécum, si l'on peut dire, de l'application du RGPD pour les services d'archives. J'aime bien cette expression « l'informatique en nuages ». C'est un hommage à Jacques Toubon, mais vous comprendrez mieux quand on parle de cloud. Donc, c'était un petit peu l'arlésienne, je crois, de ces journées des opérateurs côté juridique. La nouvelle C'est que, simplement pour rappeler, j'allais dire à ceux qui nous rejoignent depuis l'an dernier, que jusqu'à présent, le droit des archives, articulé avec le droit des trésors nationaux, interdisait le recours à un hébergement en dehors du territoire national. On ne pouvait pas exporter des données, des archives publiques, au titre de la définition des trésors nationaux. Autrement dit, si vous étiez amené à vous rendre à une réunion à Bruxelles avec votre dossier, dossier d'archives publiques, vous étiez en infraction. Voilà. Donc, tout le monde avait à peur, j'imagine, maintenant dans la salle, mais vous allez être rassuré en apprenant que là aussi, quelques jours après la dernière journée des opérateurs, je ne sais pas si c'est une coïncidence, est paru un règlement européen sur la libre circulation des données non personnelles, qui est un peu le petit frère du RGPD, donc pour les données non personnelles, qui s'appelle Free Flow of Data, et qui donc, a été adopté le 14 novembre 2018, qui est un règlement donc, d'application immédiate, qui permet désormais la conservation en dehors du territoire national des données, des archives donc courantes et intermédiaires. Ce nouveau régime juridique va entraîner au niveau national, simplement pour le mettre en conformité avec le droit européen, une révision en cours qui va probablement aboutir d'ici quelques mois, une révision du Code du patrimoine qui va modifier la définition des trésors nationaux et qui indiquera que seules les archives définitives resteront dans le périmètre des trésors nationaux, dont le régime juridique donc impose, comme vous le savez, une conservation sur le sol national. A contrario, donc, les archives courantes et intermédiaires en seront, leur exportation sera permise. Et très vite, pour laisser un peu de temps pour les questions et ne pas mordre sur l'intervention qui suit, je voulais simplement vous dire qu'Adoc était né par rapport à la présentation bêta qui vous avait été faite, très bêta, qui vous avait été faite l'an dernier. J'ai repris le PowerPoint de l'an dernier et vous n'aviez sûrement pas cela. Alors, je ne vais pas évidemment vous présenter Adoc, parce que j'imagine que tout le monde y va tous les jours pour soi ou pour répondre aux attentes de vos usagers. C'est un outil volontairement simple. Hein, donc, il y a peut-être des formulations qui vous ont paru un peu raides, mais le but, c'est vraiment de transcrire le droit en des termes accessibles à tous et qui vous permettent de répondre à des questions comme, je prends au hasard... dossier de personnel, mon dossier de personnel est-il librement communicable? Je donne le délai, la date du document. Le document a moins de 50 ans. Je suis soit la personne concernée par ce dossier. Réponse, vous pouvez consulter et reproduire ce document avec toujours la possibilité de, si j'ai eu un refus, de renvoyer vers les règles de recours, notamment auprès de la CADA, avec également, face à des administrations qui vous demanderaient les références législatives qui encadrent l'accès, la liste des textes applicables. Ce qui a peut-être changé par rapport à votre dernière consultation d'Adoc, c'est que désormais, vous pouvez lire le texte qui concerne, vous n'avez plus besoin de faire un copier-coller de la référence législative, elle vous renvoie directement vers Légifrance. Et pour prendre un autre exemple, si je suis une autre personne, vous ne pouvez pas consulter librement ce document, mais comme on vit dans un monde merveilleux, je souhaite malgré tout consulter ce document et on vous explique le principe de la dérogation, avec également les textes de référence pour ceux qui ne croiraient pas ce que l'on dit dans Adoc. Si malgré tout vous ne me croyez toujours pas, sachez que c'est très facile de mettre à jour Adoc. Donc si vous voyez des formulations qui vous paraissent bizarres, qui ne correspondent pas à vos pratiques ou qui ne correspondent pas au droit tel que vous le lisez, n'hésitez pas à l'adresse mail est sur France Archives, à nous faire des retours pour nous demander soit de revoir une formulation ou carrément une lecture du droit, soit de demander des ajouts de typologie. Certains l'ont fait, on en a mis en ligne depuis, je passe pour les exemples parce qu'il est tard, mais c'est ce qu'il faut retenir du point de vue archive, c'est que c'est un outil facile à modifier, à mettre à jour, donc on n'est pas tenu par la la technique. J'en ai terminé avec mon menu de ce matin, mais néanmoins, si on me donne le feu vert pour vous laisser la parole, je vous la donne bien volontiers. Je peux? Merci. Vous avez donc la parole. Je suis désolé d'avoir créé d'avoir anticipé sur la minute de silence. Mais si vous n'avez pas de questions, j'en suis ravi. Ça veut dire que c'était clair. Et donc, je vous remercie de votre souriante attention. Et si vous me voyez, si vous avez une question que vous n'avez pas osé poser devant tout le monde, n'hésitez pas à venir m'interpeller. Merci beaucoup.